découvrir en radio CKRL 89.1. Un jour faudra tourner la page, laisser un monde à notre image. Un jour faudra tourner la page, laisser l'amour en héritage. Une gang de baby boomers. Alors, bonsoir et bienvenue à Web Musique en cette émission du 17 août 2008. Je suis en remplacement de l'heure électronique. Alex avait un petit pépin, donc il ne pouvait pas faire l'émission l'heure électronique. C'est Web Musique qui débute donc tout de suite. Je vous rappelle que les pièces que vous entendez à l'émission, ben, c'est possible de les télécharger gratuitement. Pour ça, ben, vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous rendez sur le site et vous avez les liens vers les artistes et vous avez même des liens pour aller télécharger les pièces que vous entendez. Puis les émissions précédentes sont aussi disponibles en balado-diffusion. Donc, vous avez tout ça sur le site. Cette semaine, on va débuter avec une étiquette qui nous vient de la Russie qui s'appelle... Mon Dieu, je vais dire Scream One, c'est SKRM1. Donc, une étiquette expérimentale russe qui donne dans l'IDM, le downtempo, drum and bass, dark drone, donc toutes sortes de musique électronique. C'est assez expérimental, assez entraînant parfois, assez atmosphérique à d'autres moments. Je vais vous faire passer une pièce justement qui est assez atmosphérique. Il s'agit de l'artiste Neon Lotus, un artiste russe. Donc, je vous fais passer sa pièce Recollection. C'est une pièce très tranquille. On va débuter en douceur l'émission. Donc, Neon Lotus Recollection. Thank you. venez d'entendre deux pièces qui sont tirées de l'album Emotion par Kiji Kid. C'est sur l'étiquette Scream One. Donc, deux pièces. Vous venez tout juste d'entendre Doll Killer. C'était précédé par Mary Doll. Puis, on avait débuté en douceur avec Neon Lotus, la pièce Recollection. On poursuit l'émission avec encore un peu de drum and bass. Fait toujours du bien un peu. Donc, on va écouter deux pièces du groupe qui s'appelle Evil of Pain. C'est un autre groupe russe qui vient de Moscou. Je vous fais entendre deux pièces qui sont sur l'album Focus. La première pièce s'appelle donc Focus. La prochaine s'appelle Formal d'Égide. Donc, pour tout de suite, Evil of Pain, la pièce Focus. c'était la pièce Formal Jadid. C'était précédé par Focus, deux pièces qui sont sur l'album de l'artiste Evil of Pain, l'album qui s'appelle Focus. C'est un album qui est sorti en 2005. Donc, on poursuit avec un autre artiste qui est sur l'étiquette Scream One, une étiquette russe. Donc, il s'agit de Deadline. Je vous fais passer la pièce DMT Zero. Puis ça va être suivi par une pièce un peu plus calme qui s'appelle Album. Les deux pièces qui sont sur l'album Flower. Thank you. CKRL 89.1. C'est Simon Roy qui est en votre, entre vos deux oreilles pour l'émission Web Musique en remplacement de l'heure électronique. Donc, avant la pause, on avait entendu la pièce Album. C'était précédé par DMT Zero, deux pièces qui sont sur l'album de l'artiste russe Deadline. L'album s'appelle Flower. On poursuit avec une étiquette verte. Mon Dieu, ça s'en vient rare, mais je sens qu'on va en voir de plus en plus. Pourquoi une étiquette verte? Ben, c'est une étiquette qui fait marcher ses serveurs sur des serveurs qui sont verts, donc qui sont alimentés avec l'énergie éolienne. La compagnie s'appelle Sustainable Websites, donc c'est une compagnie qui fait de l'hébergement, puis qui se sert de serveurs donc qui marchent à l'électricité solaire et l'énergie solaire. Donc, c'est assez intéressant comme étiquette. L'étiquette s'appelle Vorbic, une étiquette qui nous vient de l'Angleterre. Je vous fais passer tout de suite deux pièces de l'artiste qui s'appelle Project 5AM. C'est un album qui est sorti hier, donc c'est tout chaud, un MP3 tout chaud. Ça vient de Londres, en Angleterre, donc. Je vous fais passer deux pièces. La première s'appelle Angelou, puis la suivante s'appelle Quixote of Moons Fight the Windmill of Brixton. Donc, deux pièces assez intéressantes. Ça donne un peu dans l'émotronic, si vous voulez. vous venez d'entendre deux pièces de l'artiste Project 5AM, un artiste londonien. La pièce que vous venez tout juste d'entendre s'appelle Kitsoti of Moons Fights the Windmill of Brixton, puis c'était précédé par la pièce Angelou. On continue avec d'autres artistes qui sont sur l'étiquette Vorbic, donc une étiquette de l'Angleterre. Je vous fais entendre deux pièces de l'artiste Suan. C'est un artiste qui nous vient de Rome en Italie. Je vous fais entendre sa pièce Settembre, puis ça va être suivi par Penumbra. Deux pièces qui sont sur l'artiste Gioventù Emotronica. Donc vous écoutez Web Musique sur les ondes de CKRL.

Conspire, c'est l'histoire des forces de la conspiration internationale à Québec. La loi, les banques et tous les puissants sont de notre côté. Nous contrôlons la justice, l'État et l'armée. Radio Conspire, une histoire d'horreur, d'amour, d'action. Mets-toi à couvert, Fleur de Lys! Agnès Maltais, députée de Taschereau, Nicolas Jobin du Conseil contemporain de Québec et plusieurs autres ont interprété des personnages de cette folle histoire. Prends mon coup de pied spécial direct entre les deux solitudes! Plus jamais vous ne verrez le projet Rabascar, problème de racisme, Samuel de Champlain, la radio poubelle et la mairesse Boucher de la même façon. Geste-toi, Samuel de Champlain et manipulateur des voix obscures de la sorcellerie vaudou. Album en vente, 10$ à l'Exo, à la page noire et à CKRL au 405 3e Avenue. We interrupt this record to bring you a special bulletin. Good God! Vous écoutez CKRL 89.1, la radio des découvertes.